Chapitre 9e. Voici ce qui s'est réellement passé jeudi 1er juillet, jour du drame. Il est 11h30. Comme tous les jeudis matins, Camille a suivi le catéchisme. Sur la place, elle aperçoit Marcel. Elle sait que c'est le frère de Maxime. Elle sait aussi les sarcasmes dont Marcel accable son frère, ainsi que le travail qu'il lui fait supporter, puisqu'il ne fait pratiquement rien à la ferme. Prise d'une soudaine inspiration, elle se plante devant Marcel et commence à l'invectiver. « Alors, feignasse, tu as fini d'enquiquiner Maxime? Tu peux pas lui foutre la paix, non? Tu es gros, tu es laid, tu es petit, tu pues la cagagne. Si tu continues, tu auras affaire à moi, porcasse. » Elle conclut sa harangue par un long paix sonore avec la bouche, juste sous le nez médusé de Marcel. Puis, sans attendre la réaction de Marcel, elle se sauve en riant et prend la direction du bois. Plus elle court, plus elle rit, Marcel sur les talons. Quand elle va raconter ça à Maxime, ils vont bien se marrer tous les deux. Arrivée dans le bois, son pied bute sur un caillou, elle pivote sur elle-même, perd l'équilibre, un bruit sourd dans la tête, aucune douleur et tout devient rouge, puis noir. Le silence. Marcel contemple Camille allongée, offerte. Elle fait semblant de dormir, mais quand il se sera bien approché, pense-t-il, elle lui crachera la figure, c'est certain. À travers ses paupières entr'ouvertes, elle doit l'observer et avancer. Tout à coup, il lui saisit les poignets. « Alors, peste, tu rigoles plus maintenant, hein? Je te foutre une bonne trempe pour t'apprendre à vivre. » Aucune réaction. Camille a toujours sur les lèvres son sourire ironique. « Oh, mais tu es plus vicieuse que tu n'en as l'air, ma petite. » Les mains de Marcel lâchent les poignets et partent à l'exploration de ce cours doux et bien formé déjà. Soudain, il prend conscience que la poitrine ne se soulève plus. Il secoue Camille sans résultat. « Oh putain, c'est pas vrai !» murmure-t-il, affolé. Le courage n'est pas son fort, et sa couardise le fait réfléchir à toute allure. Je fous le camp, y a que ça à faire. Et il ressort du bosquet à grandes enjambées. Samedi matin, 3 juillet. Trinqui a besoin de faire le point avant de prévenir le juge d'une quelconque conclusion sur l'affaire. Boissier, Ménard, appliquez. On va mettre de l'ordre dans tout ça et réfléchir un peu. Ménard s'assoit au bord de son bureau et Boissier prend place dans le fauteuil de Trinquier. Celui-ci ne s'assoit jamais quand il réfléchit. Le paquet de Celtic circule. Chacun s'imprègne de nicotine avant de prendre la parole. Les athélos disent que le tabac stimule les neurones. Sur la place, on entend un vague brouhaha provenant du marché. « Moi, ce qui me turlupine, commence Boissier, c'est la position du corps. Vous y croyez-vous à la prière avant de mourir ? Va savoir, tout est possible dans cette affaire, répond Ménard. « Qui l'a tripoté ?» s'interroge Trinquet. « La question est là, c'est la seule d'ailleurs. »« Vous optez donc pour la thèse d'une mort accidentelle ?» demande Ménard. « Ce n'est pas une thèse, » répond Trinquet, « c'est le légiste qui le dit. » Donc il reste la non-assistance à personne en danger et les attouchements sur mineurs. « On est bien d'accord, » précise Boissier. Prenons le cas Marcel Agnel. Logiquement, il a eu le temps de la tripoter, la gamine, surtout s'il ne se défendait pas. Mais il est tellement abruti que je me demande s'il a réalisé quoi que ce soit, dit Trinquier. C'est une bête, ce Zig. Il a justement pu réagir comme un sauvage et s'acharner sur la gosse. Et il est assez brutal pour avoir violemment poussé la gamine, renchérit Ménard. Meurtre par accident, alors. Je vous fais remarquer, précise Trinquier, que ce n'est pas en tombant de sa hauteur qu'on se foule une cheville. Elle a dû se la fouler en courant. Et le Marcel est trop bestiace pour avoir mis le corps dans cette position. Finalement, ce qu'il raconte se tient, mais c'est dommage, regarde Boissier. Je l'aurais bien vu, un assassin. Trinquier continue à tourner autour du bureau, en tirant nerveusement sur sa cigarette. Bon, passons à Maxime maintenant. Il dit avoir trouvé le corps dans la position du gisant, mais il a pu faire les mêmes saloperies que son frère. Surtout que, à voir la peine qu'il avait, il devait l'aimer, la gamine, répond Ménard. C'est vrai que s'il ne fait pas du cinéma, il est tout tourne-boulé. Mais comme la gamine devait être consentante, vu qu'elle était estourbie, il n'a pas dû se gêner, le Maxime, observe Boissier. Non, oppose Trinquet, ce n'est pas plausible. Il la voyait tous les jeudis, la gosse. Vous pensez bien que s'il avait voulu la toucher, il n'aurait pas attendu ce jour-là. Oui, mais ce jour-là, il ne pouvait pas se défendre, chef, fait remarquer Ménard. En tout cas, lui aussi, il trouve une morte. En plus, une fille qu'il connaît bien, il s'en va tranquillement, de peur de la réveiller. Moi, je ne trouve pas cette réaction très catholique, chef. Laisse les catholiques tranquilles. Bien moi, je crois à ce qu'il raconte le Maxime. précise Trinquier. Je sens que ce type est sincère. Pas de sentiment, chef. Vous nous le dites assez souvent. Oh, ça va, hein ? S'énerve Trinquier. Venons-en maintenant à Brossard. Le chef fait signe à ses hommes de baisser la voix, vu que le prévenu peut les entendre. Nouvelle tournée de Celtic. Le bureau pue la transpiration, le moisi et le tabac froid. Ouvre la fenêtre, Boissier, on va s'asphyxier, constate Trinquier. Finalement, Brossard est le seul qui soit venu nous prévenir. Il aurait pu faire comme les deux autres, tripoter, passer son chemin. Seulement lui, il n'avait rien à se reprocher, commence Boissier. Oh, ne va pas si vite. Il est en manque, ce type, après 4 ans de bagne. Il doit avoir faim, si vous voyez ce que je veux dire, dit Ménard. Avec ce qu'il a à côté de chez lui, à portée de main, je me demande s'il est vraiment en manque. Tu avais un peu le châssis de la Mireille. Oui, mais Mireille n'est pas si facile que ça. Elle a des principes, cette femme, beaucoup de principes. Complète Trinquier, qui s'est vertement fait conduire plusieurs fois par Mireille. Elle m'a même menacé de tout raconter à son épouse. C'est vrai, ça, dit Boissier. Je me demande si, belle comme elle est encore vierge. Bon, on s'en fout, tranche Trinquier. La question n'est pas là. C'est seulement on avait un témoin qui a vu rentrer Brossard dans le bois. La vieille ne l'a vu que sortir. Et Fanello, chef ? Interroge Boissier. Il a raccompagné Brossard jusque chez lui, et Mireille lui a porté son pain juste après. Brossard ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Ça s'appelle le don d'ubiquité, Boissier. Cultive-toi un peu, précise Trinquier. Mais je te fais remarquer que tu te fondes sur le témoignage de deux amis à lui, tout de même. Vous croyez que Mireille pourrait mentir, même par amour ? Par amour, qu'est-ce qu'une femme ne ferait pas, je vous le demande, dit Ménard. Trinquier s'épanche le front avec un immense mouchoir. Bon, vous allez me laisser seul, j'ai besoin de réfléchir. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les deux gendarmes sortent, pas fâchés d'aller prendre l'air, d'autant que c'est l'heure de l'apéro. Perrault est resté dans la salle de permanence à garder les deux frères Aniel. Trinquier attrape le téléphone et d'un pouce rageur, il actionne la manette pour appeler la standardiste et porte le cornet à son oreille. Vous pouvez me passer X, s'il vous plaît, le 56. Merci. Il repose le combiné en attendant son correspondant, le médecin légiste. Au bout de quelques minutes, le téléphone grésille. Pardonnez-moi de vous déranger, surtout un samedi, docteur, mais il y a un détail qui me chiffonne. C'est pour l'affaire de la petite, n'est-ce pas ? Le médecin ne s'étonne de rien. Après tant d'exercices, il en faut beaucoup pour l'étonner. Il a disséqué toutes les misères cachées dans les corps, dans les familles. Oui, docteur, j'aurais besoin d'un renseignement. Voilà. Comment peut-on dater des attouchements ? Tout dépend, Trinquier. S'il y a saignement, on peut penser qu'ils sont récents. Mais dans le cas de la gamine, son hymen était rompu. Mais il n'y avait pas de trace de saignement, donc cela devait dater d'avant sa mort. Qu'est-ce que vous entendez par « avant » demande le chef. Des jours ou des semaines avant. D'autre part, vous savez que certaines filles présentent un hymen abîmé, alors qu'elles sont totalement vierges. Voilà qui plonge Trinquier dans un doute gênant. Décidément, cette affaire l'englue. Merci, Toubib, dit Trinquier. Je ne suis pas plus avancé. Si vous voulez savoir si on l'a touché au moment de sa mort, je réponds que rien ne fonde cette hypothèse. Ah, voilà ça, au moins c'est clair. En raccrochant, Trinquier s'écrie. Bon, j'en ai marre maintenant. Relâchons Brossard au bénéfice du doute. J'en prends l'entière responsabilité. Après, nous aviserons. On entend encore les chocs des boules sur la place de la Trinité. Les joueurs discutent ferme. Pas droit. Oh la pute. Elle a viré la salope. Je la tirais celle-là. C'était pas la peine de pointer. Allez, oh Juju, prépare le pastis. C'est Norbert qui régale. Et celui-là, tu l'as vu ? Dit Norbert en montrant son œil. On n'a pas encore perdu. Bye. Brossard, dit Trinquier en ouvrant la porte de la cellule. Vous êtes libre. Et épargnez-moi vos commentaires. Brossard se frotte les yeux, un sourire apparaît sur son visage. « Je savais qu'un homme droit comme vous ne pouvait continuer à garder un innocent, » dit-il d'un ton ironique. « Pourquoi faut-il toujours que vous fassiez votre tête de cochon, Brossard ? Vous ne croyez pas qu'il y ait de quoi faire une tête de cochon ?»« Ouh, Boudiou, enlevez-le-moi de là, avant que je change d'avis !» hurle Trinquier. Sur la place, les joueurs de boules scandent gaiement « On a gagné !» en écho à la joie de Brossard de se retrouver libre. Dès sa sortie, il file droit, non chez lui, mais chez Mireille. Il ouvre la porte sans faire de bruit et entre à pas de loup dans la cuisine. Parvenu derrière elle, il l'étreint si fort qu'il l'étouffe, puis la lâche. Elle pivote alors, des larmes dans les yeux, et embrasse passionnément l'homme qu'elle aime. « Mon Dieu, lui dit-il, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps ?» T'inquiète, mon Adrien, on va le rattraper le temps perdu. Tiens, pour commencer, on va manger un morceau. » Une lumière s'est éteinte pour Maxime, une autre s'est allumée pour Brossard. Ainsi va la vie. Tu sais, Mireille, dans mon KGB, j'ai entendu presque tous les interrogatoires. Eh bien, je peux te dire que Trinquet est complètement perdu. Il est dans le cirage le plus total. Hein? Pourquoi? Interroge Mireille. Parce qu'il s'entêtait à penser que la gamine a subi des attouchements au moment de sa mort, alors qu'en réalité, elle devait en être victime déjà depuis un moment. C'est d'ailleurs ce que lui a laissé entendre le légiste. Tu crois que c'est pour ça qu'il t'a relâché? Sûr, parce qu'il sait très bien que je ne connaissais pas la gosse. Et alors, maintenant, où il en est? Eh bien, c'est simple. Ou c'est le père, ou c'est Maxime Agnel. En tout cas, les coups, je ne pense pas que ce soit le jeune homme. Une gamine ne se serait pas entêtée à fréquenter quelqu'un qui la battait. En revanche, elle ne pouvait pas changer de parent. Pourquoi n'a-t-elle pas été se plaindre? Tu sais comment les gens fonctionnent ici. On ne se mêle pas des affaires du voisin, sauf s'il vient manger dans votre gamelle. Sa maîtresse était au courant, mais elle est morte. Tu veux dire qu'elle en est morte? Oula! Voilà que tu deviens comme Trinquier. Tu suspectes tout le monde maintenant. Allez, arrête. Celui qui m'inquiète, ce n'est pas Trinquet, mais c'est Moretti, le gros juge. Celui-là, il te prend un suspect et il le fait entrer dans la peau d'un coupable, avec un gigantesque chausse-pied s'il le faut, sans aucun état d'âme. Et après, on vient vous parler du douloureux cas de conscience. Douloureux, tu parles, ça l'empêche pas de dormir. La conscience, tu parles, est-ce qu'il en a une de conscience seulement? Tu vois, continue Brossard. Si je pouvais, je clouerais un juge sur ma porte. Comment clouer les chouettes dans le temps pour conjurer le mauvais sort? Adrien, tu déparles, s'écrie Mireille, qui tente de le calmer. Bah quoi? Toi, si tu te trompes, tu vas en prison, mais eux non. Ils ont droit à l'erreur judiciaire. C'est merveilleux, ça. L'erreur d'un juge met toute la justice dans le bain, et comme ça, personne n'est responsable. Ils se couvrent les uns les autres. Si on en mettait un en tôle pour une fois, ça refroidirait les autres, je te le dis. Adrien, je t'en supplie. Calme-toi, ça sert à quoi de t'énerver comme ça? Si je peux plus m'énerver chez moi avec ma femme, c'est la fin de tout, dit Adrien en retrouvant son calme. Il caresse la joue de Mireille en souriant. Il ne s'est pas aperçu qu'il l'appelait ma femme, mais Mireille, elle, l'a remarqué, et en a ressenti un vif plaisir. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu m'aimais? Lui dit Brossard. Moi, je croyais que tu éprouvais pour moi seulement de l'affection. Directeur d'école et bête comme un âne, voilà ce que tu es. Tu aurais dû t'en apercevoir, imbécile. Vous êtes tous pareils, les hommes. Vous allez chercher à l'autre bout de la terre ce que vous avez sous les yeux. En tout cas, j'ai envie de terminer mes jours avec toi, dit-il doucement en lui prenant la main. Surtout ne me dis pas que tu m'aimes, hein. Des fois que ça te rend muet, idiot, va. Il fait bon. La soupe au pistou est délicieuse. Ils sont heureux.